Êtes-vous prêt pour des tonnes de nouveautés? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute de C'est fou, je m'appelle Mathieu Plante, c'est l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous et c'est la première émission de la saison estivale de C'est fou. Ce que ça veut dire, ça concrètement, c'est qu'on a au moins 20 minutes de contenu additionnel dans chaque émission pour tout l'été. Donc on va vraiment se concentrer sur les nouveautés, surtout francophones, pour leur donner encore plus de chances de jouer. On a reçu du côté franco cette semaine un nouveau maxi de Shotgun qu'on aime bien, c'est fou. On a reçu le nouvel album de Jean Leloup, Mille Excuses Milady. Mais on va commencer avec quelque chose qui est encore plus dans les cordes de C'est fou. C'est des choses qui passent dans nos palmarès très fréquemment, ça. La formation Chinatown, leur nouvel album, on vient de le recevoir, il s'appelle Cité d'or. Et commençons avec leur classique presque, qui est présentement dans les palmarès. Voici Chinatown et apprendre à danser. Assez fou au 89.1 FM. La pièce est rouge et j'ai le mal de mer. Je cherche mon chapeau sur le plancher de danse. La musique est trop forte, stupide et vindicative. Et je ne comprends pas ce que tu dis, c'est pourquoi je souris. Pendant que tu gueules dans mes oreilles. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Apprendre à danser. Viens, sortons dehors. Au fait, remémore-moi ce qu'on est venu faire ici. Au diable vos verres. Garderie pervers. Ce meat market gardé par des mercenaires. Il fait plus chaud ici que l'été dans le métro. Et je reste songeur pendant que tu sautes. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Secousses de la route, ni les périls de

partait dans tous les sens. Y aurait du café dans la fusée, des conversations impudiques sur les terrasses ensoleillées. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Chinatown et les quatre pièces qui débutent leur nouvel album Cité d'or. On vient d'entendre Penelope. Avant ça, c'était du jazz avec l'Apocalypse. Précédé de Secousse, on a débuté avec Apprendre à danser. Bonne nouvelle pour la formation. Et là, je le dis comme ça, là. Mais tu sais, Apprendre à danser est sur le palmarès de Cifou en ce moment et depuis quand même pas mal longtemps. Et là, ça commence à se lever, ces affaires-là. Là, ça joue assez quoi maintenant, Apprendre à danser? Je viens de l'apprendre. Bref, Chinatown, leur nouvel album Cité d'or qui sort le 5 mai. myspace.com/Chinatown Franco. C'est un groupe montréalais. Et d'ailleurs, le 5 mai, le même jour que le lancement, il va y avoir le lancement de l'album au Lion d'or à Montréal. C'est à 17h. Les membres sont Pierre-Alain, Félix, Julien, Gabriel et Toby. Ils ont aussi un site web au chinatownmusic.com. Là-dessus, il y a un paquet d'affaires, des photos, des vidéos, blog, MySpace, Facebook, pré-vente de l'album, articles de magazine, tout est là-dessus. Chinatown, formation québécoise qu'on apprécie beaucoup ici à C'est Fou, qui joue depuis pas mal longtemps. On reste dans le francophone pour aller entendre quelqu'un d'autre qui roule depuis très longtemps. Jean Leloup, vous connaissez peut-être. Son nouvel album s'appelle « Mille excuses, Milady ». Et on commence avec la deuxième pièce de l'album parce que la plus belle fille de la prison joue ailleurs. Voilà, commençons par « Comme ils me font peur », assez fou. Dans vos oreilles au 89.1 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Comme ils me font peur avec leur bonheur, leur sourire en cœur. Comme ils me font peur. Ah, comme ils m'ennuient quand arrive le dimanche. Ils traversent la Manche et puis vient le lundi. Ils retroussent leurs manches, cheveux et énergiques. J'en ai d'horribles tics. Ce sera en tête à tête qu'ils compteront les arêtes au resto le jeudi. Les enfants sont grandis dans un carrosse de gloire, du matin jusqu'au soir. Et s'il y avait la guerre et qu'il fallait la faire, sur qu'ils voudraient me faire avaler ce bonheur avec un entonnoir. Glou glou, c'est l'heure du boire de mon enfant chéri, c'est l'amour de ma vie, celui qui me sourit. Mais je ne peux rien faire pour couper les barreaux de leur prison de terre, de leur amour en fer. Mais je ne peux rien faire pour couper les barreaux de leur amour en fer. Comme ils me font peur. Si parfois, quand ils sont en famille, ils ont l'air un peu plus, un peu moins trop de sus, un peu plus généreux, un peu plus amoureux. N'empêche qu'ils vous tueraient si vous osiez changer l'horaire de la journée. Et quand leurs enfants m'aiment, ils deviennent tout blêmes, se dépêchent de partir, de leur ôter le rire. Et puis le lendemain, ils sont tout contraints, et je baisse les yeux en guise d'adieu. Mais je ne peux rien faire pour couper les barreaux de leur prison de terre, de leur amour en fer. Mais je ne peux rien faire pour couper les barreaux de leur amour en fer. Comme ils me font peur. Conviction, j'ai tué des convictions. Ou bien des ambitions, à quelles conditions? Les caves, y'en a, à toutes des grosses échelles. D'un bord pis d'autre, de la crème caramel. Les gros vont au bordel. Me laisse indifférent. Mouche noire et marimouine qui me suce le sang me font moins mal que toi sans sucre qui me suce le jus. Tous les coups de pied au cul perdu, limace, cache ta face. Ta compassion est un roman savant. Corneille, tu crois sur tout autour. Ton manque d'amour et des calomnies à deux pièces et demi. On s'entorche le pion, t'es rien que le pion. Un système de fond, t'es aussi plat qu'un film d'avion.

Pablo Ruiz just before he died. Happy hippie, yeah. Another, please. I was like really in love with this one, but I can do it better. Le poste d'écoute. Jean-Louis Morning de son nouvel album Mille Excuses, Milady. Avant ça, c'était Les Anges, Old Lady Wolf. Et on a débuté avec Comme ils me font peur. Ce sont quatre des pièces du nouvel album Mille Excuses, Milady de Jean-Louis. Lisons un petit peu sur son document de presse. Nouvel album en magasin et en ligne depuis le 28 avril. Et là, je cite, lucide, mordant, éclaté, incisif, volubile, Jean-Louis is back. La plume plus acérée et les riffs de guitare plus inventifs que jamais. L'album Mille Excuses, Milady, son septième opus studio, marque un retour aux sources pour l'auteur, compositeur, interprète. Entouré de collaborateurs chevronnés, Jean Leloup s'avère de nouveau un redoutable conteur, oscillant constamment entre désillusion et espoir. Mille Excuses, Milady réunit tout ce qu'on aime chez Leloup, des guitares et encore des guitares, des textes touffus, un débit nerveux, des mélodies fortes. Voilà, Jean Leloup et Mille Excuses, Milady. J'aime bien dans le style, c'est bien, j'aime ça, c'est bon. C'est, que dire de plus, c'est Jean Leloup. Hein? Bon. Mille excuses, Milady, je le répète, et son site web roipompon.com, www.roipompon.com. On reste du côté francophone pour aller entendre une formation qui joue dans le palmarès de C'est fou assez fréquemment. Mais ça commence à faire longtemps que je ne les ai pas entendus. Ils nous envoient un nouveau maxi qui est une autoproduction, c'est-à-dire autoproduction 1, je crois, dessus. Bizarre. Bref, les voici avec trois pièces, les trois pièces de leur maxi. On commence avec 100 fois à C'est fou dans le poste d'écoute. Some said that. vos oreilles. Jusqu'à 89 ans. Shotgun dans le poste d'écoute de C'est Fou avec la pièce plate à dire. Avant ça, c'était Mais Pourtant. On a débuté avec 100 fois leur nouveau maxi qui apparemment a le nom de 7-14-1. On se rappelle de Shotgun, en tout cas pour les gens qui écoutent C'est Fou régulièrement. Les pièces En attendant et Pierre Lambert jouent encore fréquemment. Ils sont passés par nos palmarès. Est-ce que ça va être la même chose pour ce maxi-là? Je sais pas, on va voir. Mais moi, j'ai bien aimé dans le style. C'est pas mal bon. Shotgun, c'est la deuxième ici. Là, je suis en train de lire leur petit document de presse. En fait, ça a l'air d'être une capture d'écran d'un site web. Mm-hmm. Blablabla, un trio qui fait dans le rock assez pesant, originaire de La Tuque, composé de Régis Gravel à la batterie, Stéphane Trottier à la basse, Mathieu Duchesne à la guitare. Ce dernier signe aussi la plupart des textes et des musiques. Géographiquement et musicalement, en tout cas, La Tuque, c'est pas loin du lac, que ça dit. Parce que si Shotgun se nourrit à même des groupes comme Voivod ou encore Sonic Youth, il nous fait carrément penser aux premiers essais musicaux de Galaxy 500 et de Fred Fortin, période gros mené. Les guitares mènent le bal. La route est longue, peut-être pas tant que ça. Il y a sur cette maquette quelques moments musicaux assez inspirés. Bien sûr, l'ensemble est mal dégrossi, mais l'énergie est là. Un peu plus de travail sur les pièces, une bonne réalisation, et cela pourrait les mener quelque part, c'est ce que le site web disait. Je sais pas c'est sur quoi. C'est sur Bande à part. Bref, c'est bien. Shotgun avec leur maxi 7-14-11. J'ai les bons chiffres, oui, c'est confirmé. Voilà. Allez voir leur MySpace au myspace.com/shotgunhit, Shotgun IT, pour en savoir plus sur eux. Là-dessus, il y a des renseignements, il y a des pièces à écouter, il y a des choses comme ça. Juste de revenir à la page d'accueil du MySpace, ça veut pas y aller. Bref, peu importe. Shotgun. On va passer à quelque chose de complètement différent. Je regarde mes CD ici, qu'est-ce qu'on a? On a la compilation Le Son 666, et ça me fascinait. Je voulais en savoir plus là-dessus. Je me disais, mais Colin, c'est de l'électronique, ça pourrait être bon, on pourrait en passer un peu. C'est un collectif de création et de diffusion de musique électronique expérimentale et inusitée basée à Montréal. Depuis 2004, leur collectif a soutenu l'apparition de 20 CD, dont plusieurs mini-CD à tirage limité. Dans un premier temps, on trouve dans l'envoi une compilation double d'œuvres de leur catalogue, Le Son 666 Audio. On va commencer par la première face, le premier CD. On va écouter la première pièce de tout ça, de tout ce qui ouvre ça, et puis on en parlera juste après. Ah, c'est fou! Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés pour la première fois, tous ensemble au 89.fr. We'll be right back.

Pas super plaisant comme son à la radio, je trouve. C'est de l'art, là, je veux pas juger l'art, mais quand même, on est à la radio. Hein? Chez vous, ça va. On va parler par-dessus la fin de cette pièce-là, ce serait une bonne idée, hein? Oui, merci beaucoup, j'adore ça. Tantôt, j'étais en train de vous dire que c'était une compilation double d'œuvres du catalogue de Leçon 666, qui est un collectif de création et diffusion de musique électronique expérimentale à l'université basée à Montréal. On a entendu deux pièces du disque A, qui rassemble l'intégralité de trois parutions récentes, les volumes 1 et 2 du projet Ladies Club, qui est un recueil de pièces de 12 créatrices sonores actives sur la scène montréalaise, et Ouverture de Nancy Tobin, ou Tobin, qui est une pièce de 21 minutes composée à partir d'un mécanisme d'horloge. Fucké un peu. Disque B, dont est extraite la pièce que vous entendez en ce moment, ça réunit des pièces extraites de 13 autres parutions du collectif de 2004 à 2008, offrant un survol éclectique et surprenant des productions du collectif, avec des créations de plusieurs artistes, dont Mini Block, Intercom, Massive Asthma, Teenage Love, les Women with Kitchen Appliances, Jujin Sussex et plusieurs autres. Dans un deuxième temps, on trouve aussi le disque HMMM Remix, qui est une compilation de remix d'une pièce pour ensemble vocal de Kathy Kennedy, un assortiment hypnotique de différents styles et approches de composition numérique par des artistes électroniques d'un peu partout, qui remixent chacun le même enregistrement d'un petit groupe de chanteurs faisant du humming. Du hum. Bref, plusieurs gens auraient peut-être, en tout cas dans, entre vous, je sais pas, là, vous les auditeurs, mais bon, peut-être que vous trouvez ça bizarre. Je sais pas. C'est une idée que j'ai comme ça qui me passe par la tête, j'ai aucune idée. Peut-être. Peut-être. Bref, le son 666, on les retrouve au le trait d'union son666.com. C'est un genre, disons. Pas mal comme ça que j'appellerais ça, hein? C'est un genre. Nous, c'est la fin du poste d'écoute pour cette première heure. Je vais quand même dire quels artistes qu'on a entendu parce que je crois que c'était pas clair. On a entendu au début Martine H. Crispo avec Mathilde 312. Ensuite, il y a eu Magali Babin avec L'organe finit par s'endormir doucement. Et ça, ce que vous entendez là, c'est supposé être... On sait, c'est bien. Non, je vérifie et c'est ça. La pièce I Pew to Rainbow de Intercom. Voilà donc le son 666 au le-son666.com. Sinon, passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, il y a les liens de tous les artistes diffusés dans l'émission d'aujourd'hui et la balade de diffusion en MP3 si vous voulez réécouter l'émission. Comme je dis, c'est la fin de la première heure. Il y en a une deuxième qui s'en vient avec, entre autres, la musique des Doves. Nouvel album, ça va être bon. Jason Little avec avec Yours Truly, The Commuter. Voilà. On va aussi avoir Westbound Train et Don Amaro dans la deuxième heure du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble, dans vos oreilles. Ah, c'est fou, 89.1 FM. Et je vous rappelle que l'émission a 20 minutes et plus de contenu additionnel pendant tout l'été. Ça veut dire 20 minutes de plus de musique que fucké, des fois. Restez là. Bonjour, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et je tiens à remercier les gens qui sont passés au travers de certaines affaires qu'on a eues tantôt. C'était pas mauvais, c'était bon, mais des fois c'était difficile à écouter, tu sais, par moment. Bref. Poste d'écoute, nouveautés musicales, c'est ce qu'on fait. On déballe des CD, on les écoute pour la première fois, on n'a aucune idée ce qui s'en vient. On aime découvrir des affaires. On aime ça, c'est le but. Dans cette deuxième heure, il va y avoir Don Amaro, Westbound Train, Jason Little, mais on commence avec une formation qui s'appelle The Doves. Leur nouvel album est Kingdom of Rust et on commence avec la pièce Jetstream. Ça se passe maintenant dans votre radio 89.1 FM. C'est fou, ça! Still C'est fou. Ça travaille. The Doves et leur nouvel album Kingdom of Rust dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. On a entendu les trois premières pièces de l'album. Ça, c'était The Outsiders. Avant ça, Kingdom of Rust, la pièce titre. On a débuté avec Jetstream. Parlons un peu de ces Doves. C'est un groupe du Royaume-Uni, Manchester Northwest United Kingdom. Ils sont au myspace.com/Doves ou Doves MySpace ou encore Doves.net. Les membres Jimmy Goodwin, Jez Williams et Andy Williams. Groupe qui est en tournée absolument internationale en ce moment. Et puis là, ben, ils sont dans les Midlands, à Leeds. Ouais, c'est joli. Voilà donc pour The Doves et leur album Kingdom of Rust. J'ai bien aimé Petit Cœur à côté de ça. On reste du côté alternatif anglophone pour aller entendre Jason Little. Oui, avec son premier album solo, Yours Truly, The Commuter. On commence avec la pièce titre tout de suite dans le poste d'écoute au 89.5. C'est fou! Dans vos oreilles. Thank you. They're all gone now to an earthen bed. Jason Little et Ghost of My Old Dog. Dans le poste d'écoute, ça va être son nouvel album Yours Truly, The Commuter. Avant ça, on a entendu la pièce Brand New Sun. On a débuté avec la pièce titre, donc Yours Truly, The Commuter. Jason Little, qui est un gars qui vient du Montana, aux États-Unis. Son site web est au myspace.com/JasonLittle, L-Y-T-L-E, ou encore JasonLittle.com. Évidemment, tous les liens sont sur le site de l'émission, de toute façon, au www.unechance.com. Sur son MySpace, pas énormément de renseignements, même, je dirais, pas vraiment beaucoup du tout. Mais bon, bref, il y a un blog, au moins il y a des nouvelles. Petite performance à des stations de radio, entrevues dans des magazines, etc. Il parle de ça sur son MySpace. On reste du côté anglophone pour aller entendre du punk. En tout cas, c'est étiqueté punk et la formation est Westbound Train. Leur CD s'appelle Come and Get It et on commence avec I Don't Belong Here. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Là, c'est fou. Do you remember good old Julianne? She sang a song for me. She sang, I'm sorry, so sorry. I never took the time to show her what she was to me. 'Cause I was so lonely, yeah, so lonely. So everyone to have the chance to sing along, to sing their song, sing a song. I can't sing along 'cause I don't belong. I do remember good old Gulf of Bay and what it gave to me. It gave me a family, yeah, a family. Wish I had the chance to show them what they were to me, 'cause they were so lovely. So lovely. See, everyone just wants to have the chance to sing along, to sing their song, to sing their song. I can't sing along 'cause I don't belong. Yeah, everyone just wants to have the chance to sing along, to sing their song, to sing their song. I can't sing along 'cause I don't belong. Yeah. just drinking to forget. La formation Westbound Train et leur pièce Check Your Time, précédée de Ain't Gonna Be Easy et de I Don't Belong Here, c'est bien de leur album le plus récent qui s'appelle Come and Get It, dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.1 FM. Westbound Train qui est au myspace.com/Westbound Train, c'est vrai, ou encore westboundtrain.net. Il y a plusieurs gens, sont quoi, sont 7 là-dedans, beaucoup de monde. Ils ont un site web, ils ont un Pure Volume, ils ont un Facebook, YouTube, iLike, Last FM, ils sont partout. Ils sont absolument partout, Westbound Train. Ils font des spectacles partout aux États-Unis. Ils font le tour au Canada même. Partout. Tu sais, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Une très, très, très longue biographie sur leur MySpace. Ça me tente pas d'aller au complet. Mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. C'est plus, je dirais, du reggae que du punk. Moi, j'ai pas vraiment vu les gouttes de punk là-dedans. Mais bref, c'est classé dans le punk. Ici, c'est assez fou, faut croire. On continue avec la formation. L'homme. Un homme. Il s'appelle Don Amaro. Sûrement qu'il y a des gens qui jouent avec lui, mais bon. L'album est divisé en deux. Une portion live et une portion en studio. On va écouter les pièces en studio. Peut-être trois, si j'aime ça. Il va y avoir Life Gets Better tantôt, mais on commence avec Life tout de suite. Tout court, juste Life. C'est la vie. Au 89.1 FM, c'est fou. Nothing stays the same. pace. Slow down. It's our goal. Don't wait to live life until you're old. I want to say I tried. I didn't let life pass me by. I jumped in. J'ai essayé de ne pas faire de référence à High School Musical ou d'autres musicals de Disney, mais je me retiens. C'est pas facile. Que voulez-vous? Hold on, it will be a while till you find yourself in this. Won't take long for you to see. You gotta go deeper to be set free. If you wanna try and walk this life alone, you're gonna find yourself far from home. Take my word and you're gonna know that life gets better when you're not alone. Walk the road, but you walk alone. Get the ones you've always known. were led to believe. So many more we don't see. We try so hard to push away, but the ties that bind us are here to stay. And try and walk this life alone. You're gonna find yourself far from home. Take my word and you're gonna know. Trop sûr de celui-là, pas certain. L'album Deepening de Don Amaro, on a entendu Life, suivi de Life Gets Better. Ce qui vient tout juste de jouer, c'était Enough. Don Amaro Music, son site web, ou encore myspace.com/Don Amaro. Oui, il vient de Winnipeg au Manitoba. Je sais pas, je suis pas sûr que ça fit dans le décor tant que ça. Je suis pas sûr que j'aurais dû en faire jouer 3 tant que ça. C'est un petit peu genre Kitten, c'est bon, mais bon, je suis pas sûr. Bref, c'est pas mauvais, c'est ça l'affaire. La ligne est très très mince entre quand est-ce que je dois enlever quelque chose parce que ça devrait pas jouer assez fou et quand est-ce que je devrais le laisser jouer. Bref, c'est à vous de faire votre propre conclusion sur Don Amaro, son album et Deepening. Qui suis-je pour juger de ces choses-là tant que ça, t'sais? Ça dépend, des fois. On continue avec la formation Doug Day, leur album Concentration. Tout de suite, voici la pièce qui débute l'album Happiness. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou ça! Oh, Doug Day, la pièce Neighbor de l'album Concentration, précédée de Happiness. Ça, c'est très, très bon, ça, du Doug Day, j'aime ça. C'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute. On se retrouve pour une troisième heure tantôt. On se quitte pas pour très, très longtemps. Dans quelques minutes à peine, on va se retrouver. Ça va être comme Claire Lamarche, ça va être malade. Il va y avoir la musique de Elephant Stone, il va aussi y avoir The Keys, il va y avoir The City at Night et notre formation préférée du moment. Ici, assez fou parce qu'ils sortent un nouvel album et on les aime depuis très longtemps, c'est Standing Walls. On va les avoir en début de troisième heure avec leur album Nonsense. Mais pour l'instant, on se quitte un tout petit peu et je vous rappelle d'aller voir le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, il y a les liens de tous les artistes de toutes les émissions du poste d'écoute. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la balado diffusion à MP3 chaque semaine si ça vous tente de réentendre l'émission ou si vous avez raté un petit but. Nous, je vous rappelle aussi qu'on est en direct le vendredi matin à 10h et la rediffusion est maintenant le lundi à 15h. Restez avec nous, le poste d'écoute revient tout de suite. C'est la troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, je m'appelle Mathieu Plante. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a plein de bonne musique d'ici la fin de l'émission. On va entendre City at Night, The Keys, Elephant Stone. Dans quelques minutes, Standing Waltz va passer son CD Non-Sens, mais on était rendu à écouter la troisième pièce de Doug Day. Leur album est Concentration. Et tout de suite, voici Wet It Out. Et on parlera de Doug Day juste après dans le poste d'écoute de C'est Fou. Au 89.1 FM. Doug Day et Waited Out de leur album Concentration. Un petit peu plus tôt dans l'émission, il y avait Neighbor et Happiness. Donc, on a entendu les trois premières pièces de leur album Concentration. Ils sont au DougDayMusic.com et là-dessus, on apprend que l'album est sorti le 28 avril. C'est très récent. Et qu'un clip pour la pièce Happiness avec des chiens qui chantent, de méchants singes et des kaléidoscopes. Hein? Assez intéressant. Intriguant, je dirais. Doug Day, un groupe de Halifax en Nouvelle-Écosse. Seth Smith, Casey Spill, Crystal Tilly et Nancy Ulrich. Allez voir ça. Et puis, si on parle de spectacle, ils vont être à Montréal le 29 mai à 20h au Green Room. Sinon, ils font une grosse tournée canadienne en ce moment même. Doug Day avec Concentration. J'ai bien aimé. C'était très bon. Quelque chose que j'aime beaucoup depuis longtemps, depuis qu'on a reçu leur album, c'était quoi? Breeding Spoons, Bling, Blotterfly, Bling, Bling. Il y avait beaucoup de B là-dedans. C'était un maxi. Il y avait plein de bonnes pièces là-dedans. Dont deux, je crois que c'est qui étaient sur notre palmarès assez fou à un moment ou à un autre. Bref, mon histoire est pas mal décousue. Tout ce que je voulais dire, c'est que Selling Walls nous a envoyé leur album Non-Sens. On l'a reçu, on avait hâte. Hâte, même sans le R, c'est encore meilleur. Il sort le 5 mai. Et tout de suite, on va entendre la pièce Can't Break Me dans le poste d'écoute au 89.fm. C'était pénible, ça, hein? Je m'en suis sorti, ça. Don't you try to break me down. Stop trying to change. écoute. My life is a nightmare. Sleeping is like a drug. Waking up is impossible. All strapped up on a butcher table. If you want, I can show you. Cross over in my sleep. Clouds hover over my bed. Blood raining in my head. And if you follow me, you will see. Psycho, Halloween, Friday the 13th, Freddy Krueger, Hannibal Lecter, Jamie Lee Curtis, Dr. Loomis, Slashers, Loonies, horror movies. Take my hand if you care. In my nightmare, turn your back, don't you dare. In my nightmare, I can't get up, I can't speak up. How can it be? This night will never end. I'll never see you again. The ghost and the shadows. Start. La très fantastique formation Standing Waltz avec leur album Nonsens. Ça, c'était la pièce Cité Phosphore qui va être sur le palmarès de Sifu à partir de cette semaine. Avant ça, c'était Back to the Start, In My Nightmare et Can't Break Me. Leur album sort le 5 mai. Et je me rappelle, dans mes souvenirs lointains, Each Day, la pièce, c'était ça le nom de la pièce de leur maxi Plastic Spoons and Breeding Butterflies. Elle s'est ramassée numéro 1 en 2006. Et il y a eu aussi Alone, qui était en tout cas au moins numéro 2 que je vois ici en septembre 2006, probablement numéro 1. Donc Standing Waltz, c'est un groupe prolifique pour ses fous, et on les aime. Ça va ensemble, tu sais. Bref, leur nouvel album, c'est de lui qu'on parle. Nonsens et génial, j'adore ça. Standing Waltz, nom à retenir. Parlons un petit peu d'eux. Ils ont une mini biographie sur leur MySpace au myspace.com/standingwaltz. C'est un groupe de Québec formé en 2005, composé de trois filles et d'un gars. Le lancement de EP en 2006, Plastic Spoons and Breeding Butterflies, leur a donné l'occasion de s'offrir à plusieurs spectacles. Depuis ce temps, le Quatuor travaille sur un album complet, dont ils ont passé l'automne à enregistrer. Dans ces rythmes sont les mots pour décrire les nouvelles sonorités de Nonsens, qui est rempli d'efforts, de travail et de séances de clapements de mains. Les membres sont Camille, ou Zoé, à la guitare et à la voix principale, Sophie Thibrin, au clavier et au chorisme. Je vais inventer un mot s'il n'existe pas, peut-être qu'il existe. Max Rémy à la basse et Pascal Tilou à la batterie. C'est mignon, hein? J'aime ça. MySpace.com/standingwaltz, encore une fois, allez-y tout de suite et allez donc tant qu'à faire si vous êtes dans le coin à Québec. Pour le lancement de l'album au Cercle, c'est gratuit. Ils vont jouer avec The Spleen. C'est à 17h le 4 mai. Et puis, ils vont être à la polyvalente Ancienne Lorette avec aussi... Non, ça, c'est celui-là qui va être avec The Spleen. Je m'excuse. Celui-là, c'est avec The Spleen pour le camp. Ça, c'est le 8 mai, 20h à Québec. Bref, c'est sur leur MySpace. Ça a toujours beaucoup plus de sens quand c'est écrit par le groupe que dit par un animateur médiocre comme moi. Voilà. On passe de Standing Waltz et Nonsens à City at Night pour aller entendre leur maxi. C'est ce qu'on va faire. Cityatnight.ca, c'est leur site web. Si ça vous intéresse, d'y aller tout de suite. Et pour l'instant, voici la pièce Kiss This. Hein? Ouais. Vous êtes dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble et on dit n'importe quoi. Au 89 FM. Seems that I'm drifting too much. d'écoute. I was looking down, she was looking right over me. She had black riding boots, and I was barefoot on the wood. She told me never to call her back. Said, no way, girl, should've lied instead. But I was on the go. Silence. Love is not something you can win. Digging and shouting all the time. I was happy for the moment, Monday or Tuesday. Maybe Sunday at the river park. We drank the bottle of champagne on the ride. And she was sweet with me. Oh, sexy. Oh, shades on. I am drunk to the tip of my toes, out of my shoes on the shopping street. Yeah. Turn around. She looks at me with a vicious smile. Sticky eyed day in hellish streets. Easy for you. City at Night. C'était très bon, ça. Sticky Hot Day, le nom de la pièce qu'on vient d'entendre. Avant ça, c'était Gambling Love. On a débuté avec Kiss This. Parlons un petit peu de City at Night qui sont au myspace.com/BleachMontrealBand. Oui, c'est bien un groupe de Montréal. On peut croire qu'il devait s'appeler Bleach avant. Je sais pas. Indice comme ça. Étienne Courchain à la guitare et la voix. Francis Roy à la guitare. Alexandre Aubu à la basse. Alexis Champagne à la batterie. Et Mathieu Robitaille au piano. C'est pas mal tous les détails qu'ils ont sur leur MySpace. Pas de biographie, pas de rien. Mais ça dit quand même que leur démo est sortie. C'est vrai parce qu'on l'a fait jouer. Donc voilà, myspace.com/BleachMontrealBand. Allez-y pour entendre certaines de leurs pièces tout de suite. On reste du côté canadien pour aller entendre la formation de Keys avec Years Are Made of Seconds. Et il nous reste que 20 minutes à l'émission. On va en profiter pour jouer les deux derniers albums. Plus tard, il va y avoir Elephant Stone avec The Seven Seas. Mais pour l'instant, The Keys. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou. C'est fou, fou, fou, fou, fou. It's crazy, crazy, crazy. Girl, I know there's life to seize, and I might have shiver and freeze. What these fires never seize, there's some kind of storm. Downfalls have started to increase. I'm tired of the waving from the shore. I wanna be a boy. My life is just waiting at the door of the Lord. I asked Lord, I said please, would you sign me a lease? A little bit closer to the core, something I can't afford, because my faith is weak and my life. Oh, sir, I'm so bored. I ask why, I say please, would you sign me a lease? C'est fou, 89,1 FM. There's the soil over my books, ashes all upon my clothes, and as crazy as it looks, I burn after I froze. There's moisture on my walls, and spikes around my wrist, the wire my tower falls, my pain inside your fist. That warning, I'm heated for sight. I break through the morning as I escape the night. All my fingers got withered. This one's from the witch, and this one's from the wizard. All my flowers got withered. This one's from the wind, and this one's from the blizzard. My hands slowly getting scissored. This one by my love, and this one by my lover. My legs slowly coming home. This one in a hurry, this one all alone. Now I come with a warning, I'm heated for sight. I break through the morning as I escape the night. From the breakfast to the supper, you taught me how to study, then you told me how to suffer. And you give me all your stress, saying it's all about the meaning of the process. From the start to the stop, from the factory to the shop, from the victim to the cop, from the bottom to the top. Oh, but now I come with a warning, I'm heated for sight. I break through the morning as I escape the night. Told me what to fear, I made you disappear so I could get ready to live the now and the here. The blessing and the tear, discomfort was to steady. And then I left with a warning, I was gonna first flight. There is no returning from such a fight. The Keys et The Quiet Escape dans le poste d'écoute. Ça, c'est une pièce qui vient de leur album Years Are Made of Seconds. Avant, on a entendu A Room with a View. The Landlord Prayer, et on a débuté avec A Storm Inside the Breeze. Voilà, donc quatre pièces de la formation de Keys. Certaines d'entre elles, là, celle du milieu était très très courte, c'est pour ça que j'en ai mis quatre, mais j'ai bien aimé. C'est une formation montréalaise. Oui, The Keys. C'est du folk rock sur leur MySpace, au myspace.com/siroband the keys. Ils sont aussi au thekeys.fr, c'est plus facile à retenir. Et ils vont être le 8 mai à 20h à l'Escogriffe avec Tractor Jack et Littlefoot Longfoot. Puis ils vont être le 14 mai au Green Room avec Charlotte Cornfield aussi à Montréal. Ils font plein de villes au Québec, là, Wakefield. Et puis ils vont en Ontario, ils vont aux États-Unis, dans l'ouest du Canada. Bref, ils font le tour, cette formation de Keys. Leur album, encore une fois, s'appelle Years Are Made of Seconds. Et si vous oubliez un lien à l'émission d'aujourd'hui ou de n'importe quelle émission, ou que vous voulez la réentendre, allez voir le www.unechance.com. Le dernier album du poste d'écoute de cette semaine est celui de Elephant Stone. Il s'appelle The Seven Seas. Commençons tout de suite avec Bombs, Bomb Away au 89.1 FM. Olive and Stone et leur album de 76, c'était la pièce How Long. Et juste avant, c'était Bombs Bomb Away. J'ai bien aimé Elephant Stone. C'était bon, ça. Allez voir le elephantstonemusic.com qui vous redirige vers le MySpace ou myspace.com/elephantstoneonline. Vous allez apprendre que c'est un autre groupe montréalais. On aime beaucoup cette semaine. Ils font de très bonnes choses. Ils vont être en spectacle le 10 mai à 21h au Il Motor avec Kevin Kane and the Sunday Sinners. Allez voir donc elephantstonemusic.com. Ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, il y a tous les liens de l'émission d'aujourd'hui, le MP3, la balado-diffusion, des renseignements sur mes autres émissions, tout plein d'informations, www.unechance.com. C'est déjà la fin de l'émission de cette semaine. Pour le poste d'écoute, on se retrouve vendredi prochain à 10h. On rappelle les lundis à 15h. Je vous rappelle qu'on a 20 minutes de contenu de plus tout l'été. C'est toujours le fun. Je pense qu'on a bien profité de ça. Aujourd'hui, on a diffusé moins d'albums que d'habitude, mais plus de pièces. Fait que ça fait changement un peu. Je vous retrouve aussi à CNX et dans les palmarès, c'est fou. C'est Rock Classique issu le vendredi avec Alain Lefebvre. Donc, restez là pour ça. Passez une superbe fin de semaine, /semaine au complet. Et on se quitte sur Elephant Stone avec I Am Blind. Bye bye.